Contester la retenue d'informations. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Si l'individu subit de la retenue d'informations des plans de la lumière qui le garde dans de l'ignorance générant de la réflexion, il faut qu'il la conteste en s'appuyant sur son autorité vibratoire qu'il doit se donner, car elle ne lui est pas accordée de naissance. La volonté de la contester, provenant de la psyché de l'individu, va générer une connexion vibratoire de lui avec les plans de la lumière pour qu'il puisse aller y puiser l'information dont il a besoin pour se sortir de l'ignorance. L'individu va alors projeter la puissance de sa volonté vers eux et elle va lui donner l'autorité pour accéder à l'information. L'autorité vibratoire dans le rapport au plan est une clé qui ouvre les portes de l'accès à leur savoir. Donc l'individu doit manifester sa force de pénétration psychique pour aller chercher de l'information qui lui était voilée jusqu'alors. C'est l'individu, par lui-même, de manière autonome, avec sa puissance de pénétration psychique, qui doit se sortir de son ignorance pour entrer dans le réel. Il n'a pas à attendre après les autres pour cela. Plus la force de pénétration psychique est grande d'un individu, et plus il peut avoir accès à des informations qui se retrouvent sur les plans de la lumière en proportion. Plus spécifiquement, c'est la quantité d'énergie de l'esprit intégrée au sein de l'individu dans le cadre du processus de sa fusion avec lui et rehaussant son taux vibratoire qui va déterminer sa puissance de pénétration psychique et son autorité réelle issue de sa volonté pour savoir. Plus elle est grande et plus il a une capacité de puiser sur les plans de l'information. Quelqu'un qui a intégré au complet l'énergie de l'esprit dispose alors de l'autorité absolue de tout savoir ce que ce dernier sait. Il n'y a plus alors d'entités mentales ou astrales qui peuvent le bloquer ou le limiter dans l'accès à des informations. Concernant la contestation de la retenue d'informations, il doit être mentionné aux gens qui ont tendance à être perfectionnistes, qu'il vaut mieux remettre en question ce qui les fait souffrir d'une manière maladroite plutôt que pas du tout. Mieux vaut parler pour contester les plans que de se retenir pour chercher le vocabulaire adéquat pour y arriver et ainsi s'empêcher d'agir en vue de se sortir de l'ignorance et de changer son état psychique pour le dynamiser par l'accès au savoir. Au lieu de souffrir passivement du vide de l'ignorance, il faut se mettre en action pour aller chercher l'information et accéder à la plénitude de la vibration du savoir et de la paix de l'esprit qu'elle génère. La contestation des plans consiste fondamentalement pour l'individu à se rebeller contre des volontés imposées sur sa psyché venant d'entités astrales et mentales. Sans rébellion, il n'y a pas d'individuation possible et la personne ne sort pas de l'inconscience et de la quarantaine planétaire qui concerne les êtres régis par l'évolution. L'individu doit se rebeller à l'égard des plans pour arrêter de leur être soumis et ainsi modifier le rapport à eux pour l'horizontaliser. L'individu doit se faire respecter par les plans pour parvenir à cet état. Il doit en venir à avoir la capacité d'avoir accès à autant de savoir que les entités y résidant pour les égaliser sur le plan de l'intelligence. Si l'individu n'est pas confronté à de l'opposition, il ne peut pas vivre le développement de sa volonté propre en réaction à cette dernière. Sans adversité, l'individuation n'est pas possible car s'individualiser implique nécessairement de générer une volonté individuelle qui n'existait pas avant. Sans opposition, il n'y a pas d'élément pour amener l'individu en voie d'évolution à être autrement et à délaisser des mémoires et des formes auxquelles il donnait de l'importance jusqu'alors. sans être confronté aux limites des formes pensées auxquelles la personne donne de la valeur à travers les oppositions, elle n'en vient pas à vouloir vivre au-delà de ces dernières pour fonctionner d'une manière purement vibratoire, autonome et pour être fluide comme l'esprit. Sans contestation, il n'y a pas d'émancipation psychique possible de la tutelle des plans. La liberté n'est pas donnée à l'individu, c'est lui qu'il doit se la donner en s'individualisant et en montant en vibration pour égaliser celle des plans de la lumière et des entités qui y résident. Voilà ce qui termine la lecture du texte qui s'intitule « Contester la retenue d'informations ». Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui figure en bas de cet enregistrement. Merci de votre écoute. Au revoir.